ready? You ready? Let's go! Are we ready? C'est Skyrock, ravi de vous retrouver après le Planète Rap exceptionnel d'Ice Cube, autre personnalité exceptionnelle qui est là, mais par contre tous les dimanches soirs. C'est pas comme Ice Cube qui est venu une fois et qu'on reverra pas avant je sais pas combien de temps. On est là tous les dimanches. Toi t'es là tous les dimanches, c'est mais ça. Quel plaisir de retrouver DJ Case, comment va? Bah très très bien. En forme? Ouais très bien, content de l'émission de la semaine dernière, où ils étaient nombreux à nous écouter. C'était le retour de Rise Supreme, c'était exact. C'était le retour et retour réussi, donc une grande année. Retour gagnant avec plein de dédicaces, plein de messages à passer bien aussi, n'hésitez hein, pas. Voilà, avec le hashtag Rise Supreme, on dédicace ça dans à peu près une quarantaine de minutes. Et bah parfait, là on est parti pour une session, on attaque bah tout de suite. Oui, on va mettre le feu là. Nouveauté, classique. Nouveauté, voilà, on est revenu comme vous l'avez pu le constater la semaine dernière, on diversifie un petit peu, on met du rail, mais aussi on met des musiques ambiancées, rap, afro, un peu de tout, mais tout en restant dans la thématique. Dans la thématique orientale, voilà, et la fête. Bon, voilà, c'est la fête, le dimanche soir en tout cas, c'est la fête pour tout le monde avec Rise Supreme. Coup d'envoi, on y va, Case. Yes. Allez, c'est parti. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rise Supreme en direct sur Skyrock. Les perles, les bijoux, aussi le retour de ton cou. Les fruits, bien mûrs au bout de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. عايشة أول قلب الشاق عايشة listen to me. Yeah, Aisha, coplo figa. Señorita, ma cosa nostra, c'est le feu, c'est toujours l'envie de toi. Je te suivrai de Madrid à Barcelona. Viens de Lely, viens avec moi qu'on s'en a. Près de moi, mon cœur te réclame. En chair et en âme, Dieu créa la femme. Dans ma destinée, enfin tu apparais. Tu es ma señorita. C'est Rail Suprême. Jamais pour moi, ton regard fait briller larmes de joie. À travers toi, vivons un rêve, un espoir. Peut-être juste un soir, dans tes bras, je vais pouvoir enfin me reposer. Laisse-moi du courage si un jour tu pars. À présent, je sais, je le dis pas. C'est correct. Consulte les SMS, sont saturés mon portable. Pris devant la glace, lunettes Prada. Hey, wa, ça sent la fraîcheur, beau gosse, j'aime tout la sava. J'ai tourné la disquette, orientale et magique, magique. La vague est africaine et tonique, tonique. Faites de la place, y'a de la classe. Ce soir, ils vont te faire rêver les chiens de la classe. Genre, claquette, prêt sur la plaque. Y'a dans la sacoche, ça à cause de la pelette. Fais pas jet ski, les flics on les esquive. Oh, arraille à la forte, monde est haut sur le rétro. Y'a les vieux qui jouent au ram, y'a la place Dex. Y'a les charbonneurs qui flambent au casino Dex. Dex, Dex. Y'a les manouches, carnouches, arbouches qui gardent la pêche malgré la dé. Marrakech, laisse-moi mettre l'ambiance. J'écoutais le sol français, je me lance. Appel sur la compile, qu'on s'enflamme toutes les vacances. Okay. Oh non, tout le monde a pris ses congés. Belle gosse, à mes côtés j'ai foncé. Location dernier Cayenne, je prends la route vers Tanger. Je fais des stats dans la piscine pendant que toi t'es congelé. Zifou t'as validé, validé. Dans le vide t'as paniqué, paniqué. Écoute-moi, tu vas kiffer. Dans une ambiance de qualité. Comment vous dire que je vais bien? Loin des ennuis, je suis à l'aise. Le soleil tape, tu m'en vas. Je suis pas très loin du malaise. Comment c'est le feu ce soir? Mon équipe est ressortie. Mes billets dans le noir. Tu comptes sur ce taraclé. Naïda, naïda, naïda. Numéro 1, la halle et le roubla. Fini, menchine, wada, wazaya. Zaya, zaya, zaya. Paris, Marrakech, début de l'été. Avec les potos, pourquoi s'embêter? Toujours en équipe, viens pas nous tester. Appelle tes copines, on va tout skiffer. Jolé, jolé, c'est parti, olé, olé. Les filles sont jolies, jolies. Ce soir, c'est la folie, folie. Jolé, jolé, c'est parti, olé, olé. Les filles sont jolies, jolies. Ce soir, c'est la folie, folie. Comment vous dire c'est Rail Suprême. Le soleil tape, tu m'en vas.

Elle ne veut que le sexe et la somme. Si l'amour est mort, c'est pas de ma faute. Elle aime collectionner des hommes. Trois numéros de téléphone. Allô chérie, rien que ça sonne. Cyclone en vie quand elle est dans la zone. Masque sous le casque AGV, c'est tout la LON en direct à Cuenta. C'est pour les frangins qui mettent un ilangin. Normal pour les anciens, pour ces anciens qui rôdent avec le machin. Que ça parle entre elles, y'a des mecs comme ça. Que des délétudes, c'est le béton ça. Que ça peut se montrer, y'a des mecs comme ça. Que la haine et du vice, c'est le béton ça. Aïe, n'est que quoi?

retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h avec Fred pour 1 heure de mix de folie. Suprême le dimanche soir, passez une bonne soirée. DJ Case est là, déjà une bonne première partie d'émission. Ah, on était bien là. Et ça va continuer surtout dans bien un sûr, instant. Ça va continuer. Et puis vous étiez nombreux et comme promis, on vous fait des dédicaces. Donc à ceux qui font péter le hashtag Rail Suprême, il y a Stéphane Planès, il y a NWK Charlotte, Roi de Plan B qui nous dit Rail Suprême, c'est la vague de chaleur qui tue le cafard du dimanche soir. Oh, c'est joli, et un oui, poète. Il y a des poètes mm-hmm. hein, dimanche soir. Hein. Arabia, Arabia, aka Sarah, Ludmi87, aka Richie, FetiWap31, Prodigy All Star qui demande elle est où Joséphine ? Eh ben elle est où ? Bon, Joséphine. Il va l'entendre. C'est le morceau de Red Italiani, le fameux Joséphine. Eh oui, n'hésitez pas en même temps à mettre ce que vous voulez écouter. Nous on est là, on est en direct. SkyTart qui s'occupe de mettre toutes les émissions. Très fort, SkyTart. En replay sur le net, voilà, gros big up à lui. Mira qui est PNL, et juste après, on fera péter. Une autre session de dédicace. Une autre session de dédicace, puis, donc n'hésitez pas, hashtag. Et tu feras péter aussi les dates parce qu'on va pouvoir bien te sûr, retrouver ouais. peut-être cette semaine quelque part dans, en France ou à l'étranger. Okay. C'est ça, en France, ouais. Je vous dis ça tout à l'heure. Eh ben ne bougez pas. Il y a Fabien qui casse tout là. Non, c'est sorti il est, de son il est énervé là. Parce qu'on ne l'a pas dédicacé. Hein. Et il y a Fabien Guizone voilà, qui fait péter le hashtag. Et qui est genou net. Voilà. Allez, c'est parti pour une nouvelle session. On lui a des mouchoirs là. On est reparti. Retour. Il y en a bien besoin en ce moment, c'est la période. Retour aux platines de Rail Suprême avec DJ Case maintenant. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Y'a trop de jalousie, à ce qui paraît je te dérange. Ton sang jaille sur tes DJ Case. À fond dans la caisse, à fond dans la tête. Télécharge sur ton tel. Toi t'es plus le même, je crois t'es fou d'elle. Oh les problèmes. Appelle-moi pour un FIFA, appelle-moi pour un foot. T'en fais danser les défenses. Nous fais lever la foule, bouge ton bassin tourne épaule. C'est comme ça chez nous, je te donnerai bien mon phone. Mais ton père me regarde chelou. Miss t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Habiba bien, j'ai besoin de mes balais. À la main calée sous les palmiers. Je les entends parler, ouais. Allez. Pas que ça perd, moi. Allez. Je crois que je vais m'en aller, moi. Allez. Salam. Allez. Puis c'était trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Gros KTM, j'oublie les Champs-Élysées. Tropico à la main calée sous les palmiers. Danse, vas-y, danse, moi je kiffe. Sors ta plus belle robe, tes talons, fais la gif. Oh, mon danse, vas-y, danse, moi je kiffe. N'écoute pas les gens, oui, c'est bon, fais ta hive. Ronaldo. J'ai pas de Lamborghini, j't'invite au McDo. C'est des gens qui t'arrivent. Non bébé je rigole, fais pas ta timide. J'aime trop quand tu m'ignores, j'adore quand tu souris, yeah. Me fais pas croire que t'es fatigué, qu'ils ont platine t'as validé. Du gros son c'est les temps l'idée. On arrive tu veux pas rier. Direction le bled, c'est validé. Habiba bien, j'ai besoin de m'évader. Mojito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais. Allez, allez, allez. Quoi que ça a fait à moi. Allez, allez, allez. Je crois que je vais m'en aller, moi. Allez, allez, allez. Salam, salam, allez, allez, allez. Fou le bordel, fou le bordel, fou le bordel, fou le bordel, fou le bordel. te dis j'ai besoin d'air. Couper mon fun et me barrer tout l'été. Oh moi je veux voir mes visages briller et voir mes potos kiffer. L'au-delà de la journée, on tous nous en plein d'été. J'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je me suis déconnecté. Je mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle comme Beyoncé. Ne m'appelle pas. C'est maudit, j'ai mis les bagages de l'outil. Je vais sous le ciel gris de Paris. Et je veux la même vue qu'à Bali. Et tu tiens ma rendue écrite. Donc je démarre la caisse. Les vitres et les lunettes fumées au feu rouge. Donne toujours une petite pièce. Je débranche Twitter, Facebook, tout ce qui casse la tête. Dans le sud de l'Espagne, je pars vers la sieste. Ne m'appelle pas, je réponds plus. Un peu de weed, un peu d'huile, je suis frais, je me fais bronzer les plumes. Je coupe le son et l'image, je fais un bisou au village. Dis-leur que j'ai pris le large. Je me suis déconnecté. J'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je me suis déconnecté, je me mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Je suis au bord d'une piscine, je ferai la belle comme Beyoncé. C'est Rai Suprême. Je suis pas là, je désactive mes comptes, je suis avec mes gars. Je suis sous le soleil et je me balade. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars. Des questions que t'entends Marcel. Je suis jeune, j'ai pas besoin que tu m'incarcères. En plus t'es à Marseille, donc à quoi ça sert? Tu blabla trop, Snapchat trop. Raconte trop ta vie et moi je suis accro. T'es celle qui me font, mais c'est le compte. J'aimerais te retrouver, mais j'ai peut-être pas le cran. Arrête tes préjugés, ma belle, tu te méprends. Elle croit que j'ai des groupies, j'envoie des photos à Sifi, à Wifi. Qu'avec mes potes, on sort chasser la nuit. Hôtel, Ferrari, Gucci, Zanotti. Tu trompes ma chérie, moi j'veux pas ça. خلينا من الله وفيا ويا حي يا حي ويا قاع انتوما يا مين تركيا ويا والعاصمة حطوا الكاليتي والسياسة تزيع لنا ايا قاع صبر صبر صوالحي ولك وتي روح البارنا ويا رومي Oh, dear. t'as déjà peur qu'on te parle. I'm منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم معلم مضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة انت في الحب عباره خلي العقل حياره انت انت عباره خلي العقل حياره واللي خلاك ما يفهم يجي يوم ده باين ده واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم او ما تسمع اللي يخدعك انت معلم او ما تسمع اللي يخدعك انت معلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم I want you to all say it with me معلم Et c'est déjà la fin de ce Rail Suprême avec DJ Case. Comme ça passe vite, comme le temps passe vite, Case. Ça passe vite et il y en a qui auront peut-être la chance de me rencontrer ce week-end. Ah, voilà, en soirée. Alors là, c'est un week-end totalement parisien. Le vendredi 18, c'est au French Riviera, c'est vers les quais de Bercy. Le samedi 19, en première partie, c'est au Bim Kim à Ivry-sur-Seine. Puis juste derrière, la Joya, c'est dans le 95, en Gare les Bains. Et le dimanche 20, au Gotham à Paris, pareil sur les quais. Ça bouge énormément les quais vers Bercy. Ça, et ben, Chicha, Club, tout ça. Pour tous ceux qui montent, tiens, le week-end prochain ou ceux qui sont sur Paris, région parisienne. Gros week-end parisien. Gros week-end DJ Case qui partira près de chez vous aussi, ça j'en doute pas, durant cette saison. Tu vas aller un peu partout comme d'hab. Bien évidemment, oui. Et puis déjà, rencard la semaine prochaine ? Bah oui, on va faire péter tout ça. Merci pour tous vos messages hein, qui n'arrêtent pas de défiler. Je sais qu'on est régulièrement entêté, donc merci à vous tous. Ça fait plaisir. Le hashtag Rail Suprême sur Skyrock pour balancer plein de messages. Et rencard dans une semaine, Case. Dans une semaine, yes. Ciao, ciao. Bonne soirée, c'est reparti le son de Skyrock. Bye. Skyrock is my favorite radio station.